إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 44 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam du Cheikh Abdullah Al-Bassam, le Sharh du Cheikh Abdullah Al-Bassam, rahimahullahu ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sifatu salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on va maintenant lire le hadith numéro 85, le hadith al-Khamis wa al-Thamanoun. C'est un hadith qui est rapporté عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجز فجز فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري ومسلم واللفظ له. Donc on va traduire maintenant ces hadiths, inshallah. Il dit que c'est rapporté selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma. Il dit: j'ai fait la salat avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai observé sa prière et j'ai vu que son qiyam, hein, lorsqu'il est debout dans la prière pour réciter, et son recours et son redressement après le recours et sa prosternation et le temps qu'il prend pour s'asseoir entre les deux prosternations et ainsi que sa deuxième prosternation, puis le temps qu'il prend pour s'asseoir entre le temps qu'il se redresse de la deuxième prosternation et le taslim, c'était à peu près des périodes égales. Donc entre chaque mouvement, il y a un temps à peu près égal entre chaque. Et dans la narration de l'imam al-Bukhari, il dit excepté le qiyam et la position assise. Et la position assise, c'était à peu près, hein, proche de l'égalité. C'est-à-dire, c'est presque égal partout. Al-ma'na al-ijmali. Yasifu al-bara ibn Azib salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fayadhkuru annaha mutaqariba, mutanasiba. Fa inna qiyamahu lil-qira'ah. وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود، فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع، ولا يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس، بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر. وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود، وإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر. وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما، كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث. Donc la signification générale de ce hadith, ici, on voit que Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne que elle était à peu près proche, hein, dans le temps de chaque mouvement. Et que lorsqu'il était debout pour réciter le Coran dans la prière, et lorsqu'il est assis pour faire le tashahhud à la fin, on voit que c'est à peu près équivalent au recours, au temps qu'il passe dans le recours, et lorsqu'il se redresse du recours et qu'il se tient debout encore après le recours, ainsi que la prosternation. Hein? Donc on va pas, le cheikh dit, il ne va pas par exemple prolonger beaucoup le qiyam et alléger le rukou, ou bien il ne va pas prolonger beaucoup le sujoud et alléger le moment qu'il passe debout par la suite, ou bien le moment assis, hein, à la fin dans la prière. Donc chaque pilier de la prière, il lui donne son temps à peu près équivalent, qui correspond à peu près au pilier précédent, et ainsi de suite. Le cheikh, il dit que ça ne veut pas dire, par contre, que la position debout, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le Coran, puis lorsqu'il s'assoit à la fin pour faire le tashahhud, que ça c'est de la même égalité, c'est de la même durée que le rukou et le sujoud. Mais ça veut uniquement dire que il ne va pas alléger un et yani rendre l'autre trop long, hein. Donc c'est à peu près égal, mais il va pas exagérer sur un ou prolonger beaucoup sur un puis raccourcir beaucoup l'autre, hein. Donc c'est à peu près égal. Et également il dit le cheikh, et accepter bien entendu le fait que on sait très bien que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est debout dans la prière et qu'il est en train de réciter le Coran dans le qiyam, hein, dans la position debout, et lorsqu'il est assis à la fin, que ça c'est plus long que d'autres parties de la prière, hein, comme c'est indiqué dans l'ajout de la version de l'imam al-Bukhari, puisqu'il spécifie que accepter le qiyam et la position assise par la suite à la fin. Ensuite, le cheikh il dit ma yukhadhu min al-hadith. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme règle? Il dit awwalan, donc il y a cinq choses qui sont mentionnées ici. Awwalan al-afdal an yakuna ar-ruku' wa al-i'tidal minhu. الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتداد منه متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. Donc il dit que qu'est-ce qui est mieux, c'est que le recours et le relevé du recours, de même que le sujoud et le fait de se relever du sujoud, ça devrait être à peu près de durée équivalente. Et donc, on ne devrait pas prolonger beaucoup un plus que l'autre. Donc il y a des gens comme ça, des fois, qui prolongent le recours, puis quand ils se relèvent, il reste quelques secondes, et ils descendent directement après. Donc ça, c'est pas correct. Il faut en fait que le recours et le temps qu'on reste relevé, hein, debout après le recours, et le soujoud, et le temps qu'on reste assis après le premier soujoud, ça devrait être à peu près égalité, hein, de même durée. Il dit le cheikh, ويكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما. Donc il dit comme deuxième point que lorsque tu te tiens debout dans la prière pour réciter le Coran et lorsque tu t'assois pour le dernier tashahhud à la fin, ça devrait être plus long que le reste de la prière. Hein? Ensuite, il dit le point numéro 3, أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. Donc il dit que comme troisième point, la salat en général devrait être à peu près devrait correspondre, chaque mouvement et chaque pilier devrait correspondre l'un à l'autre. Il dit par exemple la durée de la récitation dans la prière lorsque tu es debout devrait correspondre à peu près au temps que tu restes dans le rukou' et au temps que tu restes dans le sujoud. Il dit ensuite le point numéro 4, ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. Donc le cheikh il dit le fait de qu'il est établi qu'on doit être en tranquillité et retrouver notre tranquillité lorsqu'on se redresse du recours et lorsqu'on s'assoit après le sujoud. Contrairement à ceux qui jouent dans la prière, hein, ils jouent dans leur prière et ils ne redressent pas leur colonne vertébrale droite pendant ces deux piliers-là. Donc quand ils se redressent du recours, ils ne redressent pas leur colonne vertébrale jusqu'à ce qu'ils retrouvent la tranquillité. Et quand il s'assoit après le sujoud, la même chose. Et ça, c'est pas correct. Il faut rester et redresser la colonne vertébrale complètement et se sentir en repos, hein, tranquillité. Puis après, on fait l'autre mouvement, on passe à l'autre. Mais c'est pas se précipiter. Il faut prendre son temps. Le point numéro 5, زعم بعدهم أن الرفع من الركوع ركن صغير لأنه لم يسن فيه أو لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص. فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة. Donc le cheikh il dit que certaines personnes ont pensé que de se relever du ركوع c'est un petit pilier, hein, et que il n'est pas, ce n'est pas recommandé de répéter. La raison pourquoi ils disent que c'est un petit pilier, c'est parce que ils disent que ce n'est pas recommandé dedans de répéter le tasbih comme dans le rukou' et dans le sujoud. Et ça, c'est une analogie qui est fausse, hein, parce qu'en réalité, il y a un texte clair à ce sujet-là. Et donc, il ne peut pas y avoir d'analogie, de comparaison comme ça, d'analogie entre deux positions dans la prière alors qu'il y a un texte explicite qui mentionne que pour lorsqu'on se relève du ruku', il y a un zikr à mentionner. Et le zikr qui est à mentionner justement en se relevant du ruku', il est plus long que le zikr qui est légiféré pour le ruku' lui-même, comme c'est rapporté par l'imam muslim dans le hadith de trois d'entre les sahaba. Ensuite, le point, un autre point qui est mentionné, une faïda à ce sujet, il dit « ولكن المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف يعني وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي من أنه إذا طول القراءة طول غيرهما من الأركان فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا ومثل القراءة القعود مثل قراءة القعود للتشهد ثم بعد كتابته وجدته رأي ابن القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. Donc il dit que qu'est-ce qui est connu de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il prolongeait parfois le qiyam pour réciter le Coran au début de la prière lorsqu'il est debout, et il prolongeait aussi parfois le tashahhud à la fin de la prière plus que les autres actes de la prière. Et les ulama qui ont fait le sharh de ce hadith, ils ont divergé entre eux sur la signification de yani l'équivalence et de la correspondance entre les mouvements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, y compris la position debout. Et l'imam al-Nawawi, il en a fait une description qui n'est pas permanente. C'est pas quelque chose qui est permanent ou qui est perpétuel, qu'on doit faire à chaque fois. Tandis que Ibn Daqiq al-Aid, il dit que ça implique d'alléger ce que généralement on a rendu plus long, donc d'alléger ça et d'alléger ce qu'on a l'habitude d'allonger et d'allonger ce qu'on a l'habitude d'alléger. Ça c'est la parole de Ibn Daqiq al-Aid. Mais il dit le cheikh que Allah m'a guidé à la signification qui est mentionnée, c'est-à-dire le sens général, c'est-à-dire que si on prolonge la récitation dans la salat, eh bien dans ce cas-là, on doit prolonger les autres piliers de la salat aussi, hein, et faire en sorte que ce soit une longueur qui est à peu près équivalente, que ce soit, si c'est plus long, donc si la récitation est plus longue, on prolonge les autres piliers, et si la récitation est plus courte, on allège les autres piliers aussi. Et la même chose pour c'est la même chose pour la récitation du Coran, et qu'est-ce qu'on récite pendant le tashahhud à la fin, lorsqu'on reste assis à la fin de la prière, hein, on prolonge aussi. Et il dit que par la suite, après avoir écrit cela, il a trouvé que c'était finalement également l'opinion de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Kitab al-Salat, et également dans Tahdhib al-Sunan. Et donc, c'est ça la vérité, Inch'Allah. Naam. Donc, on passe maintenant au hadith suivant, le hadith 86. C'est le hadith qui est rapporté selon Thabit al-Bunani. Il dit, عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. Donc c'est Anas ibn Malik qui est le sahabi qui rapporte ce hadith. رضي الله عنه قال إني لو آلوا لو آلوا آلوا لو آلوا أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي رواه البخاري ومسلم. Non. Donc, il explique ici Anas ibn Malik une autre caractéristique de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit dans ce hadith que il s'adresse aux gens et il dit: je ne vais pas manquer de faire pour vous la prière que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais prier pour vous la prière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait avec nous, c'est-à-dire quand il nous dirigeait imam dans la prière, je vais prier avec vous de la même façon. Et donc il a dirigé la salat. Et Thabit al-Bunani, il dit: j'ai vu Anas faire quelque chose que je ne vous vois pas faire, vous. Quand il relevait sa tête du rukou, il restait droit jusqu'à ce que l'un d'entre nous dise, il a oublié de se prosterner. Et lorsqu'il était prosterné et qu'il se relevait assis entre les deux prosternations, il restait longtemps jusqu'à ce que on se dise: yani, il a oublié de se prosterner une deuxième fois. C'est-à-dire, ça c'est l'impression qu'ils avaient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec eux. Après le recours, il se levait, il restait longtemps pour faire le zikr après le recours. Et après la première prosternation, il s'assoit, il restait longtemps assis avant de se prosterner une deuxième fois, à un tel point que les gens se disaient: est-ce qu'il a oublié de se prosterner? Est-ce qu'il a oublié de faire la deuxième prosternation? Et le cheikh, il explique ce hadith-là de façon générale. Il dit: yaqulu Anas radiyallahu anhu inni sa'ajtahidu fala uqassir an usalli bikum كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لتقدروا به أو لتقتدروا به عفوا لتقتدوا به فتصلوا مثله. قال الراوي ثابت البناني: كان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها لا أراكم تصنعون مثله. كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجدة، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي. Donc le cheikh il explique que ici le sens de ce hadith, c'est que Anas radiallahu anhu, il dit, je vais faire l'effort de prier pour vous et sans manquement, hein, je vais faire mon possible pour prier pour vous la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec nous lorsqu'il nous dirigeait dans la prière, et je vais faire ça pour que vous puissiez prendre cet exemple comme modèle et que vous puissiez vous aussi prier comme lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, un des narrateurs du hadith qui s'appelle Thabit al-Bunani, il dit que Anas faisait quelque chose, hein, en complétant la salat et en la perfectionnant, il faisait quelque chose que je ne vous vois pas faire. Je ne vous vois pas faire la même chose. Il prolongeait la durée de son qiyam après le rukou'. C'est-à-dire, il restait debout longtemps en se relevant après le rukou'. Et également, il restait assis longtemps entre les deux prosternations. Et il dit donc que lorsqu'il relevait sa tête du rukou, il restait droit et il restait un certain temps jusqu'à ce que quelqu'un se dise, à cause de la longueur de la longueur du temps qu'il restait redressé. Il a oublié qu'il était dans la position debout entre le recours et le soujoud, hein. Et lorsque il s'assoyait entre les deux, après la première prosternation, et que il s'assoyait en attendant de faire la deuxième, il restait longtemps assis à un point tel que une personne se dirait en elle-même, yani, il a oublié de se prosterner une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith là? Ma yu'khadh min al-hadith fihi dalil 'ala mashru'iyyah tatwil al-qiyam ba'da ar-ruku' wa tatwil al-julus ba'da as-sujud wa annahu fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a ici dans ce hadith le fait qu'il ait légiféré de prolonger la position debout après le recours dans la prière et de prolonger la position assise après le premier sujoud dans la prière. Et ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Naam, alhamdulillah. Et on va expliquer encore un autre hadith, puis on va s'arrêter inshallah. Le hadith suivant, c'est le hadith 87. C'est rapporté selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal: ma sallaytu wara'a imamin qat akhaffa salatan wala atamma salatan min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: je n'ai jamais prié derrière un imam qui priait une prière plus légère, hein, ni une prière plus parfaite que la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sens général, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le sens général de ce hadith, il dit, المعنى الإجمالي ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته إلا كانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون ولا أتم من صلاته فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة لا فلا يخلو بها فلا يخل بها بل يكملها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique le sens général de ce hadith, c'est que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nie que il est prié derrière un imam quelconque parmi les imams et parmi quelqu'un qui dirige la prière, excepté que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des imams, plus légère, hein, c'est-à-dire elle n'a pas été lourde, hein, puisqu'il ne rendait pas la salat lourde pour les prieurs derrière lui, et il ne sortait pas donc de la prière sans désirer cette prière là, hein, sans désirer être en prière avec lui. Et il dit qu'il n'a pas prié non plus derrière un imam dont la prière était plus parfaite que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière était parfaite, il n'y avait pas de manquement dedans, et il la complétait et il respectait ses obligations et ce qui est recommandé dedans, et ça fait partie des exemples et des traces de sa bénédiction sallallahu alayhi wa sallam, que sa prière était légère, hein, pas lourde, mais en même temps elle ne manquait pas en perfectionnement. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Le cheikh il a mentionné trois points qu'on peut tirer du hadith en question. ما يؤخذ من الحديث أولا أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. Donc le cheikh il dit de faire l'imam doit faire une prière qui est légère de façon à ne pas rendre la prière trop lourde pour ceux qui prient derrière, de même qu'il doit essayer de la faire la plus parfaite et la plus complète possible pour qu'elle ne soit pas en manque dans sa récompense. Et il dit que de la compléter, de la faire le plus parfait possible, le plus complète possible, en faisant tout ce qui est obligatoire dedans et tout ce qui est recommandé aussi, et sans trop prolonger également, trop allonger la prière, et de l'alléger sans toutefois manquer de ses obligations et de ses recommandations. Le point numéro 2, anna salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal as-salah, falyahris al-musalli ala an yaj'ala salatahu mithla salatihi alayhi as-salatu was-salam liyahdha bil-iqtida' wa yafuz bi'azim al-ajr. Donc il dit que la prière du messager, du prophète, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la prière la plus parfaite. Alors celui qui prie, il devrait essayer de faire des efforts pour essayer de faire en sorte que sa prière ressemble à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et d'essayer de suivre son modèle et son exemple pour obtenir et avoir la réussite d'avoir cette grande récompense. Et le point numéro 3, qui est le dernier point, فيه جواز إمامة المفضول للفاضل على تقدير أن أنسا رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه، لأنه هو الإمام الراتب. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب. Donc le cheikh il dit que là, il est permis qu'une personne soit imam en présence de celui qui est meilleur que lui. C'est-à-dire, il est permis qu'une personne fasse l'imam dans la salat en présence de celui qui est meilleur que lui. Et l'exemple de ça, c'est le fait que Anas, radiallahu anhu, est meilleur que celui qui prie devant lui en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Anas radiallahu anhu, il a vécu très longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu très vieux, presque plus que 100 ans radiallahu anhu. Donc il a été avec beaucoup d'entre les tabi'in, et donc il a vécu longtemps. Donc des fois il priait derrière des gens, peut-être que ces gens-là, il était meilleur qu'eux, parce que lui il est un sahabi et eux sont des tabi'in, ou peut-être qu'ils sont même pas des tabi'in. Donc c'est-à-dire que il était meilleur qu'eux, malgré tout il a prié derrière eux. Et il dit le cheikh que l'imam de la mosquée, il a précédence pour diriger la prière, même s'il y a quelqu'un de meilleur que lui qui est présent, parce que c'est lui l'imam désigné. Et cheikh l'islam ibn Taymiyyah, wa alaykoum salam wa rahmatullah, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il mentionne que lorsque le dirigeant est là, il est comme l'imam ratib. Parce que le dirigeant est présent, il est comme l'imam ratib. Parce qu'à l'époque, c'était souvent les dirigeants qui dirigeaient la prière. C'est-à-dire celui qui était au pouvoir, qui avait le pouvoir politique, il était aussi l'imam dans la mosquée. Et c'est lui qui dirigeait la prière de Eid et la prière de Eid et de Jumu'ah. Donc, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour ce qui est de Kitab Umdatul Ahkam, puis on continuera la semaine prochaine inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et après salat al-maghrib, il y aura le dars de tafsir al-baqara inshallah.